à Jésus, mon sauveur, mon libérateur. Précieux Jésus, je l'ai reçu dans ma vie. Il demeure en moi, je suis l'enfant du roi de rois. Quel bonheur! Quel bonheur, quel bonheur de te rappeler, fille et fils de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ, notre sauveur. Je l'ai reçu dans ma vie, il demeure en moi. Je suis l'enfant du roi des rois. Quel bonheur! Car sur la croix il a payé ma dette, il m'a racheté. Quel bonheur! Oh, quel bonheur! Yeah, yeah. En sécurité, sous l'abri du Très-Haut, se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Peu importe la complicité, peu importe l'intimidation, je suis en sécurité, quel bonheur. Car l'Éternel s'élève, mes ennemis se dispersent, quel bonheur, oh, quel bonheur, yeah, yeah. Oh, quel bonheur, yeah. Quel bonheur d'avoir un ami comme Jésus, un ami fidèle, jamais vu. Par sa parole, il m'est conduit, par sa parole, il m'est nourri. Je suis dans sa bergerie, quel bonheur. Il m'avait fait une promesse, qu'il m'abandonnerait point, qu'il me délaisserait point. Quel bonheur, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mon bonheur parfait, l'homme de Galilée, ma haute retraite, Jésus, je te suivrai jusqu'à la fin de mes jours, mon éternité, c'est toi. Mon bonheur parfait, l'homme de Galilée, ma haute retraite, Jésus. Je te suivrai jusqu'à la fin de mes jours, mon éternité, c'est toi. L'homme de Galilée, l'ami fidèle, avant que je sois formé, Seigneur, tu me connaissais. Tu es présentement avec moi et tu seras avec moi dans l'éternité. Quel ami fidèle, Jésus, je te chanterai toute ma vie. Alléluia. Oh. Mon bonheur parfait, l'homme de Galilée, ma haute retraite, Jésus, je te suivrai jusqu'à la fin de mes jours, mon éternité, c'est toi. Mon bonheur parfait, l'homme de Galilée, ma haute retraite, Jésus, je te suivrai jusqu'à la fin de mes jours, mon éternité, c'est toi. Mon éternité, c'est toi. L'homme de Galilée, mon éternité, c'est toi. Jésus, mon roi, mon éternité, c'est toi. Nulle part ailleurs, je ne peux trouver le bonheur si ce n'est qu'en toi. Jésus, tu as fait de moi une race élue. De tout cœur, je te dis merci. sacerdoce royal. De tout cœur je te dis merci. Merci Jésus. De tout cœur je te dis simplement merci. Merci, merci. De tout cœur je te dis merci. Merci l'homme de ma vie. De tout cœur je te dis merci. De tout cœur, alléluia.